On n'a qu'une seule vie sur terre. Pourquoi la gâcher? Pourquoi s'attacher à des choses qui vont nous perdre? Le temps s'écoule, faut faire attention car ça passe vite. Même si les temps sont sombres, nos vies peuvent devenir fantastiques. On n'a qu'une seule vie sur terre. Pourquoi la gâcher? Pourquoi s'attacher à des choses qui vont nous perdre? Le temps s'écoule, faut faire attention car ça passe vite. Même si les temps sont sombres, nos vies peuvent devenir fantastiques. On n'a qu'une seule chance, qu'une seule vie sur terre. Ouais. Pourquoi ne pas changer en paradis cet enfer? Au lieu de se faire souffrir, pourquoi pas s'aimer? L'amour un coffre que le système a mis sous scellé. Le temps passe trop vite, les secondes s'écoulent. Vision catastrophique, ouais ce monde s'écroule. Le temps passe mais rien ne change, ouais mec ça se dégrade. Pour un nique ta mère, les jeunes putes lancent grenades. Ambiance maussade, plus les aiguilles tournent et plus le mal gagne. Du terrain sur le bien, ouais ça va mal gars. C'est malsain dans tous les coins, c'est la bagaille. Contre la vie on se bagarre, on se bat pour avoir sa place. On se bat pour exister, on se bat pour subsister. On se bat pour nos idées, on se bat pour pas perdre la face et pour pas perdre l'honneur. En créant nous, mais c'est pire, les nerfs montent, on perd le nerf.